L'éveil à l'angoisse. Comme à quelques minutes du bourg de Plougasnou, Lantoc et le capitaine du Penbaz allaient atteindre cette curieuse petite chapelle élevée en l'honneur de Notre-Dame de Lorette, qui se dresse en plein champ et dont les origines ainsi que l'architecture sont assez mystérieuses, bien qu'elles ne remontent qu'à l'année 1611, Thor et Penn s'arrêta brusquement, s'écriant d'un air stupéfait: L'oratoire de Plougasnou, je le reconnais. Un gros rire satisfait éclata à ses côtés. Ô diable, mon commandant, le professeur peut être fier de son élève à cette heure. À la bonne heure au moins, vous n'êtes pas de ceux dont on a besoin de travailler les côtes et les reins à coups de garcette pour leur apprendre quelque chose. Une fois la leçon entendue, elle est sue pour toujours à ce que je vois, et plus nécessité d'y revenir. Lantoc, la face épanouie, ses gros yeux dilatés de contentement, contemplait avec admiration son jeune compagnon. Il poursuivit. Et moi qui me préparais à vous énumérer une à une toutes les moindres bicoques que nous allions rencontrer dans cette croisière de terre où vous m'aviez demandé de vous servir de guide, pas la peine. Vous connaissez la carte mieux que moi maintenant, quoique je n'ai guère souvenance de vous l'avoir montrée, expliquée et décrite plus de 3 ou 4 fois. Thor Heppen passa la main sur son front, semblant s'arracher peu à peu à une sorte d'engourdissement. Il tourna la tête à droite, à gauche, comme s'il eût cherché à s'orienter, murmura. « La mer ici, sur ma gauche, avec la place de Saint-Jean-du-Doigt, l'avancée du Beg-Anfri, et devant, là-bas, cette pointe aiguë jaillissant d'entre les arbres, dans ce creux, il avait comme un tremblement involontaire, en achevant d'un souffle ému, l'église, le clocher de Saint-Jean-du-Doigt. Puis il éclata de rire, violemment, s'exclamant « Par ma foi, c'est trop bête! Vois-tu ça, Violentoc? Moi qui, de ma vie, n'ai jamais mis les pieds ici, moi que tu as ramassé aux environs du Cap Horn, en plein Pacifique, moi qui ignore mes parents, mon nom, ma race, d'où je suis, d'où je viens, eh bien, tu m'as, toi et le comte de Tromelin, si souvent et si étonnamment décrit ce pays où nous sommes, qu'il y a des instants de folie, sans doute, où dans ma pauvre cervelle, je crois en retrouver des détails comme si je les avais vus. Ça, c'est vrai. Tu peux être content de ton élève. Je ne me croyais pas une telle mémoire. » Il se reprit à rire avec un large geste d'insouciance, après un intime et léger frisson d'instinctive inquiétude. « Bah, ne cherchons pas trop à comprendre et continuons notre chemin. Allons, allons, vieux Lantoc. Ne restons pas davantage en panne, serrons le vent au plus près, droit devant nous. Cette fois, il s'agit de tenir enfin la promesse que j'ai faite et que je me reproche de n'avoir pas encore tenue. Tout me sourit. Il semble que je n'ai qu'à formuler un désir pour le voir se réaliser. Nous avons la chance pour nous, profitons-en. La vie est belle. » Ils continuèrent suivant le petit sentier qui plonge dans la cavée, conduisant à Saint-Jean-du-Doigt. C'était en effet seulement 2 longues semaines après sa victoire que le jeune capitaine du Cutter, en cet après-midi de fin janvier 1813, sous la conduite de son maître d'équipage, familier du pays, pouvait mettre à exécution le projet qu'il avait formé de se rendre à Saint-Jean-du-Doigt, encore inconnu pour lui, afin de compléter l'œuvre de piété d'Anne Guisnou, en portant à l'église sa reconnaissante offrande. Au retour de son expédition, ses occupations avaient été si multiples, si diverses, si accaparantes, qu'il lui avait fallu d'abord s'y consacrer tout entier. Les formalités de constatation de la prise, du partage de ce qui revenait à chacun, l'avaient forcé à d'innombrables voyages à Morlaix, en même temps que les quelques avaries reçues par le Cutter durant le combat, l'avaient obligé à envoyer le Penbaz pour les réparations nécessaires au chantier de construction de la rivière du Dourduf, le même qui avait servi autrefois la duchesse Anne pour sa belle cordelière. Mais il avait hâte de reprendre la mer et de recommencer la course si brillamment inaugurée, d'autant plus que son équipage perdait beaucoup à cette inaction forcée et qu'il redoutait pour ses hommes, un peu amollis par les sommes touchées, un séjour trop prolongé à terre. D'un autre côté, Son souci était le remplacement des 5 hommes tués à la première affaire. Quelques jours auparavant, un matin, revenu la veille de Morlaix où il avait pu, à sa vive satisfaction, enrôler 2 anciens marins ayant servi sous Cornic, qu'il avait ramené avec lui, il était assis devant sa table, dans la pièce principale du château de Tromelin, compulsant les rôles de son équipage et mettant ses écritures en ordre, quand son second, Jan Postek, se présentant, annonça « Commandant, voilà 3 hommes qui demandent à vous parler. Je crois bien que c'est pour des enrôlements. Ma foi, je n'aurais guère songé à faire un nouvel appel dans le pays. Je croyais avoir tiré de l'endroit tout ce qu'ils pouvaient donner. Tu les connais ?»« Les voici, si vous voulez voir vous-même. » La porte poussée, 3 pêcheurs entrèrent, de taille et d'âge divers, moitié confus, moitié riant, tandis que Thor et Penn, stupéfaits, s'exclamaient. « Hein? Vous? Les fils Guiznou? Pas possible !» Il s'était levé de sa chaise d'un mouvement brusque. « C'est nous, commandant !» reprit en tortillant son bonnet, l'aîné plus hardi que ses frères. Après avoir bien réfléchi, bien tourné et retourné la chose, après avoir causé longuement avec Poulzic et Kergustel, des amis, on a pensé comme ça, les 2 autres gars et moi, que peut-être vous ne verriez pas trop d'inconvénients à nous prendre, là, tous les 3, d'un coup de filet à seule fin de remplacer les autres, vous savez, ceux qui ont disparu. Oh, on est solides tous, du plus jeune qu'est Yves, avec ses 21 ans, jusqu'à moi qui en ai 30 sonnés, et Hervé que voilà dans ses 28. On met tout son cœur à l'ouvrage quand on y est, ma foi, qu'il s'agisse de pêcher ou de cogner, et on serait content de besogner sous vos ordres. Il se dandinait, montrant des bras musculeux, des torses épais dont les coups supportaient de bonnes figures luisantes de santé, aux yeux pleins d'éclairs dans le désir de bien faire. Les fils Guiznou, les frères d'Anne Guiznou, quelle recrue pour le Penn Baz! Si jamais le jeune capitaine pouvait s'attendre à quelque chose, ce n'était certes pas à voir venir s'offrir à servir sous lui ceux qui portaient le nom de celle qu'il osait à peine aimer d'un amour lointain. Les avoir à son bord, près de lui, sous ses ordres, il lui semblait que ce serait la rapprocher de lui, elle, cette Anne délicate et charmante, que c'était un peu d'elle qui venait à lui. Il opposa seulement. « Mais votre père ? Vous étiez son équipage, vous l'aidiez. Vous allez lui manquer pour la pêche. » Yves lança gaiement. « Le père approuve, ça le flatte dans son orgueil, dans son sang. » Et puis, craignez rien, il trouvera facilement d'autres pêcheurs pour sa barque. C'est pas ça qui manque par nos côtes. Pour ce que la pêche rapporte présentement, plus de misère que de poisson, fit Hervé. Alors autant se battre, taper sur l'anglais qui nous empêche de pêcher et qui ravage tout. On aura du plaisir à se revenger un peu. Moi, les poings me démangent quand je vois leurs grandes carcasses de briques passer sur nous, à nous couler, déchirer nos filets et à nous faire toutes les vexations imaginables. Les parts de prise compenseront et au-delà les coups de filet perdus, reprit Alain. Alors, si vous voulez de nous, nous serons quasi sur le bateau de notre petite Anne, puisqu'elle l'a baptisée. Séance tenante, les enrôlements avaient été signés et Alain, Hervé et Yves Guiznou inscrits sur les rôles d'équipage du Penn Baz. C'était sous cette impression d'ivresse grisante, de joie profonde de voir tout lui réussir, que Thor Heppen, maintenant tranquille au sujet de son équipage et dont on venait de ramener le cutter, complètement réparé, tout prêt à reprendre la mer, des chantiers de Dourduf à Primel, s'acheminait vers Saint-Jean-du-Doigt. Sans s'arrêter à l'oratoire qu'à tout autre moment il eût voulu examiner, préoccupé surtout de sa mission et écartant de son esprit les étranges hallucinations qu'il avait une seconde comme paralysées, il poursuivit sa route et s'enfonça avec l'Antoc dans l'étroit chemin creux qui relie Plougasnou à Saint-Jean-du-Doigt à travers champs. Arbres et buissons penchés en berceau au-dessus des hommes, sur la sente pierreuse courant en contrebas, tout était défeuillé par ce ciel gris sans soleil, et la mélancolie de l'hiver breton montait autour d'eux, les enveloppant de plus en plus à mesure qu'ils se rapprochaient du bourg. L'Antoc suivait son chef. Il ne put retenir un léger mouvement de surprise, à voir celui-ci arriver au dernier croisement des routes qui coupent en croix le fond de la vallée de Traon-Mériadec, tourner résolument à droite et fit « Décidément, commandant, C'est vous qui me conduisez, et je ne fais que naviguer à votre traîne. » Thor Heppen marchait, inconscient, perdu dans ses pensées. Il eut un sursaut et demanda, ayant mal entendu, « Ce n'est pas par ici qu'il faut prendre ?»« Bien sûr que si, seulement, je ne vous l'avais pas dit, et sous ces arbres, il est difficile de s'orienter vu qu'on ne voit rien. » Le jeune homme tendit le bras. « Bah, je sais bien que le clocher est là, derrière ces arbres. » « Possible pour ceux qui savent, mais comme il est impossible de l'apercevoir de l'endroit où nous étions, ceux qui ignorent continuent toujours tout droit d'habitude. Et vous, vous avez tourné à tribord sans hésiter, » répliqua le maître d'équipage, émerveillé. Le capitaine haussa les épaules. « Allons, vieux Lantoc, tu finiras par me faire croire que je suis somnambule et que je devine ce que je ne sais pas. » Il riait, reprenant son insouciance, sa gaieté. La petite rivière du Dounan passée, ils atteignirent le cimetière qui enveloppe complètement l'église, gravirent les deux marches à l'aide desquelles on accède au champ du repos de ce côté-là, qui est celui de l'entrée sous le clocher, et firent quelques pas au milieu des tombes et des arbres. Plus il avançait, plus Thor Heppen sentait le rire tomber de ses lèvres. Ses prunelles s'ouvrirent plus grandes en une extase étonnée, et un frémissement intérieur l'envahirent d'une manière progressive. À sa droite, un murmure doux et continu sanglotait une chanson mélancolique dont son oreille écoutait la mélodie avec une joie naïve. Avant même d'avoir regardé ce qui provoquait dans son âme cette émotion profonde, il se dit très bas « La fontaine du doigt, Dieu le Père bénissant, Saint Jean baptisant le Christ, les têtes d'anges, l'eau qui chante. Je rêve tout éveillé, bien sûr. » Il regarda. À travers les rangées d'arbres qui poussaient entre les tombes, il aperçut la jolie fontaine Renaissance, le château d'eau surmonté de la statuette de Dieu penchée en avant, les bras étendus, au-dessus du précurseur versant l'eau du baptême avec une coquille sur la tête à longue chevelure du Christ, la triple rangée de têtes d'anges, aux joues gonflées projetant les minces filets limpides qui tombaient en une pluie ininterrompue dans les vasques superposées. Le rêve se terminait en réalité. D'un redressement de la tête et du buste, il s'efforça d'échapper à l'enlacement de cette sorte d'ensorcellement qui pesait sur lui, et, poussant son compagnon par l'épaule, « Viens, je veux voir de tout près. » Lantoc s'étonnait, n'ayant jamais vu son capitaine aussi nerveux. Il obéit, disant « La fontaine ? Ah oui, bien souvent le comte de Tromelin vous en a parlé. Vous ne vous lassiez pas de l'interroger à ce sujet. Nous ne nous doutions guère alors que nous viendrions jamais ici. C'est bizarre l'existence. » « Ah, je faisais des questions sur cette fontaine ? Alors dis-moi, on a dû me la décrire dans tous ses détails ?» interrogea le jeune homme que ces mots avaient paru arrachés à l'envoûtement subi et qui se rassérénait. « Ça vous amusait, faut croire, car avec vous, c'était question sur question, un vrai interrogatoire de conseil de guerre. Et ceci, et cela, vous en étiez curieux à ne pas croire. C'est drôle, moi je veux bien, mais quoi, c'est de l'eau qui coule, v'là tout, on assure qu'elle guérit tout. » Thor Heppen semblait se remettre. Il secoua les épaules, comme s'il se fût raillé lui-même. « Tu as raison, vieux Lantoc, ce n'est que de l'eau qui coule. Avec toutes ces sottises, j'oublie le principal. Nous ne sommes pas venus ici pour flâner et perdre notre temps. C'est dans l'église que j'ai affaire, non pas dans le cimetière. Des tombes, des morts, l'oubli, songeons aux vivants. » Quand ils pénétrèrent dans l'église, il faisait très sombre par ce temps gris et on distinguait mal les objets. Le corsaire s'avança un peu au hasard, tourna autour des hautes colonnes et parvint près de la petite piscine où les fidèles viennent pour baigner leurs yeux malades dans l'eau sainte et guérissante. Un prêtre était en prière dans la chapelle placée de ce côté. Ce fut à lui que le jeune homme s'adressa pour lui remettre, sur sa part de prise, l'offrande qu'il avait promis d'apporter à Saint-Jean-du-Doigt. Ce devoir terminé, il ne lui restait plus qu'à se retirer. Il le fit très lentement, examinant tout autour de lui avec une curiosité un peu anxieuse. Là, c'est là qu'Anne est venue prier pour nous. Il n'osait dire pour moi, bien que tout son cœur le pensât, que tout son être l'espéra. Un émoi indescriptible lui faisait se représenter la gracieuse silhouette de la jeune fille prosternée. Mais rien ne le retenant plus dans cette église, il sortit par le porche que décore un bénitier gothique en granit et se retrouva avec son compagnon dans le cimetière. L'entoc l'y précédait, allant curieusement d'une pierre tombale à une autre, lisant par désœuvrement les inscriptions. Le maître d'équipage marmottait. Cette Tinaïque Cornou, tout de même, quand on pense. Tiens, v'là un nom qui ressemble au sien. Cornou, non, ce n'est pas ça. Faudra que je la retrouve cependant un de ces jours, puisqu'elle n'est pas morte, à ce qu'ils prétendent. Elle doit être fameusement vieille au jour d'aujourd'hui. Thor Heppen marchait indifférent. Il se heurta presque à la chapelle funéraire, et brusquement le souvenir de la conversation surprise entre Poulzic et Kergustel à bord du cutter, après le combat, lui revenant, il demanda « Te souviens-tu, Violentoc, de cette tombe dont parlaient les deux gars, une tombe maudite qui se trouverait derrière la chapelle funéraire dans le cimetière de Saint-Jean-du-Doigt ?» Arraché à sa préoccupation, Lantoc riposta étonné de voir son capitaine avoir la même pensée que lui. C'est bien plutôt d'une vieille sorcière que je les ai entendus causer. Justement, j'y pensais en voyant tous ces noms de défunts avec leur terminaison en « ou ». Ils se trouvaient derrière la chapelle, dans un angle du cimetière, envahi par les ronces, les mauvaises herbes, les détritus de toutes sortes, un coin abandonné et sauvage, sans bouquet, sans couronne. Le maître d'équipage se baissa sur un morceau de granit émergeant un peu et fit « Une date !» 1794 qu'il y a. Ah. Et puis des lettres. Un O, oui, et un U, bien sûr. Encore un nom comme Cornou. De son couteau, il gratta la mousse, coupa les ronces, nettoya un peu la surface de la dalle. Des lettres, une à une, émergeaient en relief. Le jeune homme, une pâleur aux joues, le cœur étreint d'une angoisse étrange, lisait, épelant les caractères qui semblaient naître, sortir vivants du granit. Maintenant, le nom était là tout entier. Antoine Guisnou. « Ah, c'est fort !» s'exclama Lantoc. « Guisnou, un Guisnou par ici. Je croyais que nous les avions tous à bord à cette heure et qu'il ne restait plus que l'ancien de Plougasnou. Faut croire qu'il y en avait d'autres, un ancêtre à eux peut-être bien. Quoique, non, la date 1794, c'est pas un ancêtre. » Des yeux seulement, Thor Heppen avait lu, sans que sa bouche eût la force d'articuler les syllabes. Antoine Guisnou. Quel était celui-là? Les phrases de Poulzic et de Kergustel bourdonnaient en essaim dans sa mémoire. Des enfants traversaient le cimetière. L'un d'eux dit « Tiens, le maudit a des visiteurs aujourd'hui. » Le maudit, le pestiféré, le renégat, les mots des deux matelots de son cutter. Thor Heppen sentit un coup au cœur. Quelque chose de trouble pénétrait en lui. Il eut une vague sensation de terreur, ainsi qu'au bord d'un abîme brusquement ouvert sous ses pieds, et son âme s'éveilla à l'angoisse. Quel était cet Antoine Guisnou, dont l'ombre semblait soudain se préparer à sortir menaçante du tombeau? Quelle parenté pouvait-il avoir avec Anne Guisnou? Le maudit. Sa tête se courba sous ce mot, et il n'eut plus qu'un désir, quitter ce coin d'ombre où dormait l'être mystérieux. Il rappela le maître d'équipage qui s'attardait à débarrasser la tombe de ses ronces parasites. « Allons, Lantoc, le cap sur Primel. On a besoin de nous à Tromelin. Laissons les morts à leur éternel repos. » Tête basse, absorbé, suivi de son vieux compagnon, il reprit le chemin par lequel il était venu, ne voyant rien autour de lui, insensible aux doux champlereurs de la fontaine, hanté d'idées sombres, et ayant perdu toute cette joie qu'il portait dans son cœur en venant. Il n'entendit pas une faible exclamation résonner sous le porche de l'église au moment où il passait, d'une marche violente et précipitée. Il ne distingua pas dans la pénombre, près du bénitier, Anne Guisnou qui, sortie de l'église où elle était entrée par la porte du clocher sans savoir qu'il était si près d'elle, avait eu à peine le temps de l'apercevoir avec Lantoc, courbé sur la tombe perdue dans l'angle du cimetière et de le reconnaître au moment où il passait.